Chapitre 16. Lorsque Madeleine eut fait rasseoir l'archiduc auprès d'elle, elle lui dit « Écoutez, monseigneur, je serai franche, tellement franche, que je vous défie de ne pas me croire. Je suis venu ici dans l'espoir de vous tourner la tête. » « Ainsi ? » s'écria le prince stupéfait. « Ainsi vous l'avouez ? » « Parfaitement. Ce but atteint, je voulais user de mon empire sur vous pour obtenir, je vous l'ai dit, monseigneur, au commencement de cet entretien, deux choses regardées l'une comme presque impossible, l'autre comme tout à fait impossible. « Vous avez raison, madame, de me défier de ne pas vous croire, » répondit le prince avec un sourire contraint. « Je vous crois. » Les deux actions que je voulais obtenir de vous étaient grandes, nobles, généreuses. Elles vous auraient fait chérir et respecter. Il y a loin de là, je pense, à vouloir abuser de mon empire pour vous pousser au mal ou à l'indignité, ainsi que vous le supposez. Mais enfin, madame, de quoi s'agit-il ? D'abord un acte de clémence, ou plutôt de justice, qui vous rallierait une foule de cœurs en Lombardie, la grâce pleine et entière du colonel Pernetti. Le prince bondit sur son fauteuil et s'écria « Jamais, madame, jamais !» La grâce pleine et entière du colonel Pernetti, l'un des hommes les plus vénérés de toute l'Italie, poursuivit Madeleine sans tenir compte de l'interruption du prince. La juste fierté de cet homme de cœur l'empêchera toujours de solliciter de vous le moindre adoucissement à ses malheurs, mais venez généreusement au-devant de lui et sa reconnaissance vous assurera de son dévouement. Je vous répète, madame, que de hautes raisons d'État s'opposent à ce que vous demandez. C'est impossible, tout à fait impossible. Bien entendu, j'ai commencé moi-même par vous le dire, monseigneur. Quant à l'autre chose, plus impossible encore sans doute, il s'agit tout simplement de votre consentement au mariage d'un jeune homme que vous avez élevé. Moi ? S'écria l'archiduc comme s'il en croyait à peine ses oreilles. Moi, consentir au mariage du comte Franz. Je ne sais pas s'il est comte. Ce que je sais, c'est qu'il s'appelle Franz, ainsi que me l'a dit ce matin mademoiselle Antonine Hubert, ange de douceur et de beauté que j'aimais toute petite et pour qui je ressens à la fois la tendresse d'une sœur et d'une mère. Madame, dans 3 heures d'ici, le comte Franz aura quitté Paris. Voilà ma réponse. Mon Dieu, monseigneur, c'est à merveille. Tout ceci est impossible, absolument impossible. Encore une fois, c'est convenu. Alors, madame, pourquoi me le demander ? Eh, mais monseigneur, afin de l'obtenir. Comment ? Malgré tout ce que je viens de vous dire, vous espérez encore ? J'ai cette prétention-là, monseigneur. Une pareille confiance ? Eh bien, modeste, car je ne compte pas sur ma présence. Et sur quoi comptez-vous donc, madame ? Sur mon absence, monseigneur, dit Madeleine en se levant. Sur votre absence ? Sur mon souvenir, si vous le préférez. Vous partez ? Dit vivement le prince sans pouvoir cacher son dépit et son regret. « Vous partez déjà ? C'est mon seul et dernier moyen de vous amener à composition. Mais enfin, madame... Tenez, monseigneur, voulez-vous que je vous dise ce qu'il va arriver ? Voyons, madame, je vais vous quitter. Vous serez tout d'abord soulagé d'un grand poids. Ma présence ne vous obsédera plus de toutes sortes de tentations qui ont leur angoisse et leur charme. Vous me chasserez tout à fait de votre pensée. Malheureusement... Peu à peu, et malgré vous, je reviendrai l'occuper. Ma figure mystérieuse, voilée, vous suivra partout. Vous ressentirez bien davantage encore ce qu'il y a de peu platonique dans votre penchant vers moi, et ces sentiments n'en seront que plus irritants, plus obstinés. Aussi, demain, après-demain, peut-être, réfléchissant qu'après tout je ne vous demandais que des actions nobles, généreuses, vous regretterez amèrement mon départ. Vous me rappellerez. « Mais il sera trop tard, monseigneur. Trop tard. Trop tard pour vous, pas pour moi. Je me suis mis dans la tête que le colonel Pernetti aurait sa grâce et que M. Franz épouserait Antoine. Vous comprenez, monseigneur, qu'il faudra bien que cela soit. Malgré moi. Malgré vous. C'est un peu fort. C'est ainsi. Car voyons, monseigneur, pour ne vous parler que de faits que vous n'ignorez pas. Quand on a su amener le cardinal légat que vous connaissez, à courir la mascarade en cavalier pandour, quand on a su faire éclore un grand poète sous la chaleur d'un regard, quand on a su rendre amoureux, dans l'expression tout terrestre du mot, je l'avoue humblement, un homme comme vous, monseigneur, il est évident que l'on peut autre chose. Vous forcez, n'est-ce pas, ce pauvre monsieur Franz à partir de Paris. Mais la route est longue. et avant qu'il soit hors de France, j'ai 2 jours devant moi. Quelque peu de retard dans la grâce du colonel Pernetti ne sera rien pour lui, et après tout, sa grâce ne dépend pas que de vous seul, monseigneur. Vous ne pouvez pas vous imaginer où peut atteindre le ricochet des influences, et grâce à Dieu, ici, en France, j'ai tout moyen et toute liberté d'agir. C'est donc la guerre que vous voulez, monseigneur, va pour la guerre. Je pars, et je vous laisse déjà blessé, c'est-à-dire amoureux, et mon Dieu. Quoique je puisse, à bon droit, m'enorgueillir de ce succès, ce n'est pas par vanité que j'insiste sur l'impression subite que j'ai faite sur vous, car en vérité, je n'ai pas la moindre coquetterie en tout ceci. Presque toujours, j'ai eu mon voile baissé, et je me suis habillé en véritable mère grand. Allons, adieu, monseigneur. Me ferez-vous, du moins, la grâce de m'accompagner jusqu'à la porte de votre premier salon? La guerre n'empêche pas la courtoisie. » L'archiduc était dans un trouble inexprimable. Il sentait que Madeleine disait vrai, car déjà, à la seule pensée de la voir s'éloigner pour toujours, peut-être, il éprouvait un véritable chagrin. Puis, réfléchissant que si le charme, l'attrait singulier et presque irrésistible de cette femme agissait puissamment sur lui, qui pour tant de raisons avait dû se croire sauvegardé d'une telle influence, bien d'autres que lui pourraient céder à cet empire. Alors il ressentait une sorte de jalousie vague, mais amère et courroucée, et cependant il ne pouvait se résoudre à accorder la grâce qu'on lui demandait et à consentir au mariage de Franz. Néanmoins, comme tous les indécis, il essaya de gagner du temps et dit à la marquise avec émotion « Puisque je ne dois plus vous revoir, prolongez du moins quelque peu cette visite. À quoi bon, monseigneur? Peu vous importe si cela me rend heureux. » « Cela ne vous rendra nullement heureux, monseigneur, car vous n'avez ni la force de me laisser partir, ni la force de m'accorder ce que je vous demande. »« C'est vrai, » répondit le prince en soupirant, « les deux choses me semblent aussi impossibles l'une que l'autre. »« Ah, comme demain, comme tout à l'heure, après mon départ, vous vous repentirez. » Le prince, ensuite d'un assez long silence, reprit avec effort et de sa voix la plus insinuante, « Tenez, ma chère marquise, supposons, ce qui n'est que supposable, que peut-être un jour, je songe à vous accorder la grâce de Pernetti. Une supposition, peut-être un jour, vous songerez. Combien tout cela est vague et nébuleux, monseigneur. Dites donc tout uniment, admettez que je vous accorde la grâce du colonel Pernetti. Eh bien, soit, admettez cela. Bon, vous m'accordez cette grâce, monseigneur, et vous consentez au mariage de Franz. Il me faut tout ou rien. Quant à cela, jamais, jamais. » Ne dites donc jamais, monseigneur. Est-ce que vous en savez quelque chose? Après tout, une supposition n'engage à rien. Enfin, admettons que je fasse tout ce que vous désirez. Je serai du moins certain de ma récompense. Vous me le demandez, monseigneur. Est-ce que toute généreuse action ne porte pas en elle sa récompense? D'accord. Mais il en est une à mes yeux, la plus précieuse de toutes, et celle-là vous pouvez seule la donner. Oh! « Pas de conditions, monseigneur. »« Comment ? » ?»« Voyons, franchement, monseigneur, est-ce que je puis m'engager à quelque chose ? Est-ce que tout ne dépend pas, non de moi, mais de vous ? Plaisez-moi, cela vous regarde ? » ?»« Oh, quelle femme vous êtes ! » dit le prince avec dépit. « Mais enfin, vous plairai-je ? Croyez-vous que je vous plaise ? » ?»« Ma foi, monseigneur, je n'en sais rien. Vous n'avez jusqu'ici rien fait pour cela. Sinon de m'accueillir assez rudement, soit dit sans reproche. » « Mon Dieu, j'ai eu tort. Pardonnez-moi. Si vous saviez aussi l'inquiétude, je dirais presque la crainte que vous m'inspirez, chère marquise. Allons, je vous pardonne le passé, monseigneur, et vous promets de mettre la meilleure volonté du monde à me laisser séduire. Et comme je suis très franche, j'ajouterai même qu'il me semble que j'aimerais assez que vous réussissiez. « Vraiment ? » s'écria le prince enivré. « Oui, vous êtes à demi souverain. » Vous le serez peut-être un jour, et il peut y avoir toutes sortes de belles et bonnes choses à vous faire faire un jour, de par l'empire de cette ardente passion que vous avez flétrie tout à l'heure en vrai capucin. Passez-moi le terme. Allez, monseigneur, si le bon Dieu l'a mise chez toutes ses créatures, cette passion, il a su ce qu'il faisait. C'est une force immense, car de l'espoir de la satisfaire, ceux qui l'éprouvent sont capables de tout, même des actions les plus généreuses, n'est-ce pas, monseigneur ? « Ainsi, ajouta le prince dans un ravissement croissant, je puis espérer. Espérer tout à votre aise, monseigneur, mais voilà tout. Je ne m'engage à rien, ma foi. Brûlez, brûlez, fasse que ma neige se fonde à votre flamme. Mais enfin, supposez que je vous ai accordé tout ce que vous me demandez. Qu'éprouveriez-vous pour moi? Peut-être cette première preuve de dévouement à mes désirs me causerait-elle une vive impression, mais je ne puis l'affirmer. Ma divination ne va pas jusque-là, monseigneur. Ah, vous êtes impitoyable, s'écria le prince avec un dépit douloureux. Vous ne savez qu'exiger. Vaut-il mieux vous faire de fausses promesses, monseigneur? Cela ne serait digne ni de vous ni de moi. Et puis enfin, voyons, parlons en gens de cœur. Encore une fois, qu'est-ce que je vous demande? De vous montrer juste et clément pour le plus honorable des hommes, paternel pour l'orphelin que vous avez élevé. Si vous saviez, ces pauvres enfants, comme ils s'aiment, quelle naïveté, quelle tendresse, quel désespoir! Ce matin, en parlant de la ruine de ses espérances, Antonine m'a ému jusqu'aux larmes. Franz est d'une naissance illustre, j'ai d'autres projets et d'autres vues sur lui, reprit impatiemment le prince. Il ne peut se mésallier à ce point. Le mot est joli. Et qui suis-je donc, moi, monseigneur? Magdalena Pérez, fille d'un honnête négociant du Mexique ruiné par des banqueroutes et marquise de Hasard. Vous m'aimez pourtant sans crainte de mésalliance. Eh, madame, moi, vous, c'est autre chose, n'est-ce pas? Comme dit la comédie. Du moins, je suis libre de mes actions. Et pourquoi donc Franz ne serait-il pas libre des siennes? Lorsque ses vœux se bornent à une vie modeste et honorable, embellie par un pur et noble amour, allez, monseigneur, si vous étiez, comme vous le dites, épris de moi, comme vous compatiriez tendrement au désespoir d'amoureux de ces deux pauvres enfants qui s'adorent avec l'innocence et l'ardeur de leur âge. Si la passion ne vous rend pas meilleur, plus généreux, cette passion n'est pas vraie, et si je dois jamais la partager, il faut que je commence par y croire, ce que je ne puis, en voyant votre impitoyable dureté pour Franz. Eh, mon Dieu, si je l'aimais moins, je ne serais pas impitoyable. Singulière façon d'aimer les gens. Ne vous ai-je pas dit que je pensais pour lui à de hautes destinées? Et je vous dis, monseigneur, que les hautes destinées que vous lui réservez lui seront odieuses. Il est né pour une vie heureuse, modeste et douce. Ses goûts simples, la timidité de son caractère, ses qualités mêmes, l'éloignent de tout ce qui est honneur et splendeur. Est-ce vrai? Mais alors, dit le prince très surpris, mais vous le connaissez donc? Je ne l'ai jamais vu. Comment savez-vous? Est-ce que cette chère Antonine ne m'a pas fait toutes ses confidences? Est-ce que, d'après la manière d'aimer des gens, on ne devine pas leur caractère? En un mot, monseigneur, le caractère de Franz est-il tel que je le dis, oui ou non? Il est vrai, tel est son caractère. Et vous auriez la cruauté de lui imposer une existence qui lui serait insupportable, tandis qu'il trouve là, sous sa main, le bonheur de sa vie? Mais sachez donc que j'aime Franz comme mon propre fils, et jamais je ne consentirai à me séparer de lui. Beau plaisir pour vous d'avoir sans cesse sous les yeux la figure navrée d'une pauvre créature dont vous aurez causé l'éternel malheur. D'ailleurs, Antonine est orpheline, rien ne l'empêche d'accompagner Franz. Au lieu d'un enfant, vous en auriez deux. Combien alors la vue de ce bonheur, toujours souriant et doux, vous reposerait délicieusement de vos grandeurs, des adulations d'un entourage menteur et intéressé? Avec quelle joie vous iriez vous rafraîchir le cœur et l'âme auprès de ces deux enfants qui vous chériraient de tout le bonheur qu'ils vous devraient? Tenez, laissez-moi, s'écria le prince de plus en plus ému. Je ne sais quelle inconcevable puissance ont vos paroles, mais je sens chanceler mes résolutions les plus arrêtées, je sens faiblir les idées de toute ma vie. Plaignez-vous donc de cela, monseigneur? Tenez, entre nous, sans médire des princes. Souvent ils font bien, je crois, de renoncer aux idées de toute leur vie, car Dieu sait ce que c'est que ces idées-là. Voyons, croyez-moi, cédez à l'impression qui vous domine, elle est bonne et généreuse. Et mon Dieu, sais-je seulement à cette heure distinguer le bien du mal? Interrogez pour cela, monseigneur, la figure de ceux dont vous aurez assuré le bonheur. Quand vous direz à l'un, « Allez, pauvre exilé, allez revoir la patrie que vous pleurez. Vos frères vous tendent les bras. » Et à l'autre, « Mon enfant bien-aimé, sois heureux, épouse Antonine. Alors, regardez-les bien, l'un et l'autre, monseigneur. Et si des larmes viennent mouiller leurs yeux, Comment ce moment elle mouille les vôtres et les miens ? Soyez tranquille, mon Seigneur, c'est le bien que vous aurez fait, et à ce bien, pour vous encourager, car votre émotion me touche, je vous promets d'accompagner Antonine en Allemagne. » Il serait vrai ? S'écrie le prince éperdu. Vous me le promettez ? Il faut bien, Monseigneur, reprit Madeleine en souriant, vous donner le temps de me séduire. Eh bien, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, car vous vous plaisez peut-être à vous jouer de moi, reprit le prince en se jetant aux genoux de Madeleine, je vous donne ma parole royale, que je pardonne à l'exilé et que je... L'archiduc fut brusquement interrompu par un bruit assez violent qui se fit tout à coup derrière la porte du salon, bruit que dominaient plusieurs voix paraissant échanger des paroles très vives, entre autres celle-ci. « Je vous dis, monsieur, que vous n'entrerez pas. » L'archiduc se releva soudain, devint pâle de dépit et de colère et dit à Madeleine, qui écoutait aussi avec surprise, « Je vous en conjure, entrez dans la pièce voisine. Il se passe ici quelque chose d'extraordinaire. Dans un instant, je vous rejoins. » À cet instant, un coup assez violent retentissait derrière la porte. Le prince ajouta, en allant ouvrir à Madeleine la pièce voisine, « Entrez là, de grâce. » Puis, refermant la porte, et voulant dans sa colère savoir la cause de ce bruit insolent et inaccoutumé, il sortit soudain du salon et vit M. Pascal, que deux aides de camp très émus tâchaient de contenir.